au milieu du désert brûlant. Tu appelles chacun par son nom. Tu ne regardes pas seulement la foule. Tu connais chaque cœur, chaque maison. Tu répartis les tribus et les tentes. Tu places chacun à sa place, même dans ce qui nous semble administratif. Tu révèles la profondeur de ta grâce. Car pour toi aucun n'est anonyme. Tu vois le nombre et le visage. Tu écris nos noms dans ton livre, bien avant le voyage. Tu comptes ton peuple un par un. Tu n'oublies ni le faible ni le fort. Tu graisses un camp autour de ta présence. Tu es le centre de nos corps. Ton peuple un par un, tu connais nos pas, nos saisons, et dans la marche du désert, tu gardes sur nous ta main et ton nom. Ce que nous voyons comme des listes, tu le vois comme une histoire. Chaque famille, chaque lignée est portée par ta mémoire. Apprends à avancer, non pas en désordre et en panique, mais aligné à ta volonté. Tu comptes ton peuple un par un. Tu n'oublies ni le faible ni le fort. Tu dresses un camp autour de ta présence. Tu es le centre de nos corps. Tu comptes ton peuple un par un. Tu connais nos pas, nos saisons. Et dans la marche du désert, tu gardes sur nous ta main et ton nom. Tu comptes ton peuple un par un. Tu n'oublies ni le faible ni le fort. Tu dresses un camp autour de ta présence. Tu es le centre de nos corps. Tu comptes ton peuple un par un. Tu connais nos pas, nos saisons. Et dans la marche du désert, sur nous ta main et ton nom. Au milieu de nos confusions, tu restes le Dieu d'organisation.